En fait, ce qui me préoccupe maintenant, enfin, une de mes recherches actuelles, c'est de savoir où va la recherche-action. Et globalement, j'ai quelques sources d'informations, mais j'ai pas toutes les sources d'informations. Mais je vois qu'il y a beaucoup de, notamment dans les pays anglo-saxons, c'est ça, aussi beaucoup chez les hispanophones et chez les d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Donc il y avait ça aussi. Ça se développe aussi dans l'enseignement des langues, beaucoup. Il y a beaucoup de recherche-action. Et il y a aussi, ça me paraît très intéressant, j'ai pas eu le temps de approfondir, c'est des recherches-action qui se font au niveau des collèges. Et donc avec des adolescents, de manière à les conduire vers une capacité d'émancipation. Donc ça me paraissait aussi très intéressant. Donc, il y a beaucoup d'initiatives donc la recherche action, enfin beaucoup de gens en parlent, c'est devenu un peu un truc mal défini, etc., dans lequel chacun met ce qu'il veut. Alors ça a des avantages, des inconvénients. L'avantage c'est que il y a beaucoup de nouveautés possibles. L'inconvénient c'est que tout est n'importe quoi peut être de la recherche action, quoi. Simplement une réflexion sur l'action, un retour sur l'expérience, comme on l'appelle, peut être considéré comme de la recherche-action. Alors, il me semble quand même que la recherche-action va plus loin que ça, et qu'elle a une vocation, enfin, elle avait une vocation, donc, de changer le monde. Que beaucoup de gens ont, et voilà. Donc, voilà. Alors, donc, pourquoi est-ce que je dis ça? C'est ça. Donc en fait, le séminaire, c'était comprendre un peu à l'heure actuelle, avec la domination de la crise écologique, qu'est-ce que la recherche-action, comment elle se situe, qu'est-ce qu'elle peut apporter par rapport aussi à son histoire. Je vais vous le faire rapidement, puis ensuite on en discutera. Donc en fait, j'avais un truc en deux parties. C'est d'abord une première partie, c'est comment comprendre la crise écologique. Parce qu'il me semble qu'il y a une très grande confusion, une très grande autour de la crise écologique, et ça contribue aussi à faire que comme on comprend mal ce qui se passe, et qu'il y a plein de paradoxes et plein de défis autour de ça, ça paralyse l'action aussi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se disent bah qu'est-ce qu'on peut faire, bon, etc. Et puis donc ça c'était ma première donc essayer de comprendre la crise écologique, puis ensuite voir comment la recherche-action peut se situer dans ce nouveau contexte de l'anthropocène, de la période de l'anthropocène. Alors, pour comprendre, Einstein a dit quelque chose qui me paraissait intéressant, on sait pas trop s'il l'a vraiment dit ou pas, parce qu'il n'y a pas de truc. C'est que pour comprendre un problème, enfin pour comprendre une situation ou pour le résoudre, il faut essayer d'avoir une approche qui est différente de celle dans laquelle on a posé le problème. Il faut avoir une logique différente ou avoir une vision du monde différente. Et c'est comme ça qu'on arrive à résoudre le problème. Alors bon, comme il est assez célèbre pour avoir révolutionné la physique, donc et avoir une approche totalement différente de ce que était la physique avant lui. Bon, c'est une position qui peut être quand même considérée avec intérêt, quoi. Alors, c'est un peu ce que j'essaye de faire pour comprendre la crise écologique. Alors, donc j'adopte ce que j'appelle une approche holistique pour comprendre ça, ou holistique. Bon, alors je vais pas rentrer dans le détail de l'approche holistique, mais à chaque fois que j'utiliserai un terme de l'approche holistique, j'essaierai de vous donner des exemples pour illustrer quoi ce que c'est. En fait, en deux mots quand même, l'approche holistique, c'est une approche qui est basée sur la gestalt, c'est-à-dire le fait que l'esprit humain est capable de reconnaître, par exemple, un ensemble sans forcément en maîtriser tous les détails. Par exemple, on reconnaît un visage. On le reconnaît. Par contre, si la personne n'est pas là et qu'on vous demande, ah oui, mais est-ce qu'elle avait les yeux bleus, elle avait un nez comme ci, comme ça, on est incapable de dire, enfin on peut être, on peut se trouver, en tout cas moi je suis incapable de le dire, mais si par exemple si, mais si je la revois, ben je sais que c'est elle parfois. Donc c'est un peu ça, cette capacité, donc c'est là, ça a été repris en position par la Gestalt, et puis c'est un peu le fondement de l'approche holistique. Alors c'est ça. Alors dans l'approche holistique, ce qu'il y a, c'est que alors ça va plus loin. Et d'ailleurs, si vous êtes allé sur Cédrea, je crois que j'avais mis un article sur l'approche holistique. Hein, donc, tout à fait. Je vous renvoie si vous avez envie de lire ça. Il y a quelque chose de très intéressant qui a été développé dans la recherche action aussi, parce que la recherche action c'est pas mal basé sur l'approche holistique. C'est ce que, l'approche par les caractéristiques critiques, par les spécificités critiques, enfin les caractéristiques critiques. Alors ça veut dire que une situation complexe, elle peut être saisie de manière holistique, enfin de manière globale, donc à travers quelques caractéristiques, pas un très grand nombre, mais quelques caractéristiques qui sont à la base du développement de cette situation. Donc qui définissent la dynamique de cette situation, la façon dont la situation évolue. Alors ça se rapproche d'un autre concept qui avait été utilisé par aussi la recherche action, qu'ils appelaient les processus lents. Il y a un nouveau philosophe là que j'aime bien, qui s'appelle François Julien, qui a repris ça. Alors lui, c'est un philosophe qui compare la pensée grecque et la pensée chinoise. Lui, il appelle ça les transformations silencieuses. C'est-à-dire que c'est des transformations, et ça aussi c'est quelque chose de très... Enfin, je l'illustre d'une manière très très simple, c'est que souvent, par exemple, quelqu'un avec qui on est proche tous les jours, on ne voit pas évoluer de jour en jour, comme ça, puis il devient comme ça. Par contre, si on le revoit, si c'est quelqu'un qu'on n'a pas vu pendant 10 ans et qu'on le revoit 10 ans après, ça se peut que on se dise ah maintenant il a drôlement changé. Et en fait, donc c'est un peu donc il y a des transformations comme ça qui sont silencieuses, qu'on voit pas, et c'est ce que dit François Julien, puisqu'on a mis en évidence la recherche action. Ce sont des dynamiques donc qui sont sous les seuils de détection, enfin ce sont des signaux faibles mais qui continuent quand même sur des très longs termes et qui finalement transforment le monde. Alors la philosophie chinoise est basée là-dessus, hein, donc c'est sur ce fait qu'il y a des transformations silencieuses et avec leur position donc du wu-wei, c'est-à-dire de la non-action, c'est-à-dire que bon, c'est pas la peine de s'agiter, nous autres pauvres humains, pour essayer de transformer le monde se transforme, et puis c'est pas totalement l'inaction, hein, mais il faut comprendre cette transformation silencieuse, rentrer dedans, et puis essayer de la modifier, enfin essayer de l'en faire en sorte, tu vois, Si vous prenez la stratégie de Sun Tzu, c'est ça, c'est exactement ça dans la guerre. Hein. Il faut comprendre qu'est-ce qu'est la situation, comment elle est, qu'est-ce qu'il y a, et puis hop. Et c'est en épousant la situation et en poussant son avantage qu'on arrive à gagner la guerre. Voilà. Donc c'est les deux notions. Et donc c'est cette approche-là que j'utilise pour comprendre donc les caractéristiques spécifiques pour comprendre la crise écologique. Alors en fait, je pense que on peut le comprendre avec trois caractéristiques spécifiques, c'est-à-dire ces caractéristiques qui expliquent leur dynamique. Donc qui apparaissent comme ce que j'appelle des défis paradoxes, des défis. Alors je vais illustrer ça. La première de ces caractéristiques, c'est ce que j'appelle l'anthropocène, c'est-à-dire le fait que l'humanité maintenant influe sur l'évolution de la Terre, hein, ce qui n'était pas le cas jusqu'avant. Ça a à peu près commencé avec l'industrialisation moderne, hein, fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle. Alors cette première caractéristique, donc c'est-à-dire que l'humanité est en train d'évoluer, de mettre sa marque sur l'évolution de la Terre entière, enfin de la planète, quoi, à travers le climat, on va pas revenir, c'est devenu, hein, c'est et mais euh, donc Et ça se caractérise comment? Ça se caractérise parce que, en fait, par deux représentations qui sont des représentations fausses. C'est un peu qui constitue le défi. La première représentation, c'est que on pense que la Terre a des ressources infinies, enfin est capable de recycler, en tout cas de recycler toutes les impuretés, enfin tous les trucs qu'on y met, enfin en tout cas il y a une capacité de régénérescence, ou bien alors elle a des ressources un peu infinies. Donc et ça, bon, ça a été dénoncé en effet. Et puis le deuxième défi, c'est que l'homme est l'être le plus évolué, et du coup il est maître de l'évolution de la Terre. Enfin, il peut faire ce qu'il veut, quoi, avec dans le monde tel qu'il est. Donc avec vis-à-vis du vivant, vis-à-vis du végétal, vis-à-vis des autres aussi. Hein. Donc le défi il est basé là-dessus. Et puis alors ça conduit à un paradoxe. Et le paradoxe est relié à ce défi. Alors le paradoxe c'est le paradoxe c'est comme finalement la crise écologique dépend des actions humaines. En fait, normalement, ben, puisque c'est ça, normalement, donc l'homme devrait être tout à fait capable. Et puis, c'est bien montré qu'on est tout à fait capable d'aller dans le sens inverse, hein, donc de ne pas continuer à détruire la Terre. Mais on n'y arrive pas. Donc ça, c'est un vrai paradoxe. Et ce paradoxe-là, il est paralysant. Les paradoxes comme ça, tant qu'on est enfermé dans ces paradoxes-là, c'est paralysant. Donc on ne sait pas comment agir. On dit bon, bah ouais, mais bon. Donc c'est ça les caractéristiques défi paradoxe, c'est ça qui me paraît important. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, alors je reviens là un peu à l'idée d'Einstein, c'est-à-dire que ça veut dire que en fait ces défis paradoxes montrent que finalement le problème est au-delà de ce qu'on peut, de ce que la logique normale, celle qu'on a, qui nous est familière, quoi, permet de comprendre. Donc il faut passer à quelque chose de plus profond, d'aller vers quelque chose de plus profond pour comprendre ce qui se passe. Voilà. Donc ça, c'est le premier défi. Hein. Donc, alors, on peut peut-être aller un petit peu plus loin dans ce premier défi paradoxe, c'est-à-dire dire que, bon, on peut comprendre que, en fait, pourquoi est-ce que s'il y a cette incapacité, donc, alors qu'on a tous les moyens pour pouvoir sortir de la crise de l'écologique, mais qu'on ne le fait pas, eh bien, c'est d'une part parce que je pense, enfin, il y a des raisons immédiates, hein, c'est que d'une part, on est soumis à une économie de confort et qui est puissamment installée, hein, et puis, d'autre part, il y a un autre aspect qui me paraît être important, un autre facteur qui me paraît être important, c'est que l'éducation qu'on reçoit, n'est pas orientée vers la prise de conscience de la situation, des situations réelles, c'est-à-dire des situations dans lesquelles on vit. On reste au niveau des préjugés. L'éducation transmet des façons de voir, des représentations du monde qui sont, et on est incapable de les remettre, elle ne nous apprend pas à les remettre en cause. Bon, ça c'est un premier défi, défi paradoxe, c'était celui-là. Le deuxième que je voulais dire, que je prends comme défi, j'en ai trois, hein. Je pense qu'avec ces trois-là, on arrive à peu près à cerner la crise écologique. Alors le deuxième défi, c'est quelque chose qui m'a étonné depuis que je suis passé de la physique à la sociologie, c'est-à-dire que ça fait à peu près 40 ans maintenant, c'est que d'une part, c'est que la technologie, le développement technologique n'est soumis qu'à deux critères. Être efficace instrumentalement. Bon, faut réussir, quoi. Hein, si ça marche pas, ça marche pas. Et puis deuxièmement, susciter un profit à court terme. Et une fois que ça, ces deux critères sont satisfaits, on développe la technologie. Et il y a aucune réflexion. Alors le paradoxe, c'est qu'il y a aucune réflexion, alors qu'on s'aperçoit que la technologie, parce que depuis le temps qu'elle se développe, elle transforme de fond en comble le monde, tout, les sociétés, le vivant, tout ça. Enfin, il y a des impacts dans tous les sens. Il y a aucune réflexion sur comment dirais-je le rapport entre le développement technologique et le développement social, enfin et le l'état de la société. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement étonnant. Il y a même jusqu'à maintenant, enfin il y a très peu si on fait une recherche bibliographique, il y a quelques auteurs qui ont réfléchi, soit des philosophes, soit des bon, des gens bon, mais ça n'a pas du tout été pris en compte. Or c'est quand même un problème fondamental. Et il y a une espèce d'aveuglement autour de ça. C'est-à-dire que personne ne pense qu'il faut le faire, quoi. Même moi, d'ailleurs, à un moment donné, je me suis dit, mais par contre, la recherche. Alors, d'où vient le paradoxe, c'est ça. Ce paradoxe, c'est qu'il y a un facteur qui transforme complètement le monde, c'est la technologie, et puis personne ne regarde comment ça se transforme, les systèmes sociaux. Et alors d'où vient ce paradoxe? C'est-à-dire, il faut voir, enfin pourquoi s'il y a ça, pourquoi ce point aveugle à ce point-là? Alors enfin, il a fallu aller chercher très loin hein, pour essayer de trouver quelque chose. C'est que je pense que ça vient dans la séparation de la pensée. Alors je la caractérise du occidental, hein, c'est-à-dire la pensée, parce que bon, il y a d'autres pensées que la pensée occidentale, mais la pensée occidentale, c'est quand même la pensée qui est mondiale maintenant. Hein. Disons la pensée européenne, enfin occidentale. Je dis occidentale parce qu'il y a fait plus que l'Europe, il y a l'Amérique, il y a des trucs. Et maintenant tout le monde est rentré dans cette culture-là. Alors, dans la pensée occidentale, depuis le début de cette pensée-là, donc si on remonte aux Grecs anciens, depuis 24 siècles, donc, on a séparé la pensée d'un côté et l'action de l'autre. Donc, on a dit, et ça a continué. Alors bon, dans le temps, il y avait donc les philosophes qui pensaient le monde, et puis la société, l'évolution des mondes, tout ça. Et puis il y avait les esclaves qui travaillaient pour que tout le monde se nourrisse, enfin pour que le monde marche. Et puis ça a évolué. Ensuite, il y a bon, à l'heure actuelle, bon, il y a des chercheurs, comment dirais-je, autour de la philosophie, peut-être des sciences humaines, et puis de la science aussi, qui ont une pensée critique, une pensée humaniste critique, d'un côté, et puis de l'autre côté, il y a quand même tout un groupe de penseurs aussi, hein, qui a une pensée autour des ingénieurs, des techniciens, de certains scientifiques positivistes, hein, qui ont une pensée qui est utilitariste, instrumentale et d'une certaine manière réifiante, c'est-à-dire qu'ils veulent pas considérer autre chose que les objets. Et donc, et ça, moi, je me suis heurté tout le temps que j'ai travaillé dans la recherche action. Je me suis heurté à ce clivage. Hein, par exemple, quand je rencontrais des ingénieurs ou des chefs de production, ils me disaient ah oui, vous êtes chercheur, à quoi ça sert la recherche? Vous trouvez quand même quelque chose de temps en temps? Enfin, vous... Alors je disais oui. Et vous, ça vous arrive de penser de temps en temps? Alors bon, et inversement. Donc ça fait qu'il y a deux blocs comme ça qui s'ignorent, qui sont en conflit même. Mmh. D'un côté, donc un bloc qui a une conscience critique, qui essaye de penser la société, l'évolution, avec un humanisme, une philosophie, une éthique peut-être, et de l'autre côté une pensée qui est très très très centrée sur l'efficacité, sur l'instrumentalisation, et qui développe la technologie et qui pense que, d'ailleurs c'est Elon Musk maintenant, qui pense qu'à travers le développement de la technologie on arrivera à tout résoudre. Donc et puis ces deux blocs là se parlent pas. Et du coup, il y a une espèce d'abîme, un aveuglement en abîme là-dessus. Et ça contribue, je pense, c'est important, et c'est que ça contribue à faire que le développement technologique continue à se développer sans qu'on réfléchisse à autre chose qu'au profit et puis qu'à le fait que ce soit efficace. Alors le troisième défi, bon, je crois qu'il est tout à fait, on est dans tout à fait conscient, c'est ce que j'appelle le paradigme social de l'individualisme compétitif, c'est-à-dire qu'on a, on est dans une société depuis le développement de l'industrialisation qui est centrée sur le fait que on développe, c'est l'individu qui est important et l'individu donc est quelque chose et bon. Progressivement, l'individu doit être en, les individus doivent être en compétition les uns contre les autres. C'est Macron est tout à fait là-dedans, hein, et donc les meilleurs gagnent, que ce soit des premiers de cordée, etc. Clairement, je laisse tomber la fantaisie autour de ça. Donc en fait, c'est basé sur des trucs très très sur des institutions très fortes, hein, la loi aussi, hein, le droit absolu à la propriété privée, la toute puissance de la richesse individuelle, c'est-à-dire que vous êtes riche, bon bah vous êtes tout puissant, enfin bon c'est un fait qu'on peut constater, et puis bon, je veux dire, vous avez toutes les portes ouvertes, tout ça, vous pouvez ne pas payer d'impôts, vous pouvez avoir des emprunts, bon bref, vous ne pouvez pas savoir si vous êtes pauvre. Et puis, je pense que ça, évidemment, avec cet esprit compétitif, ça valorise la domination, à l'idée, et puis la volonté de puissance. C'est-à-dire que bon, on pousse les individus à être. Et alors ça, c'est le défi. Et le paradoxe, c'est que dans ce défi-là, eh bien, l'idéal démocratique, qui est quand même, quelque chose qui a été découvert. Avec les Lumières, ne suscite pas une dynamique qui permet qui permet des formes sociales qui soient une issue à la crise, quoi. C'est-à-dire que, bloqué dans ce paradigme social, on n'arrive pas à trouver des formes sociales qui permettent de répondre à la crise. Alors moi, ce que je pense, c'est que le fait qu'on a accepté puis qu'on a généralisé l'individualisme compétitif, ça introduit une espèce de transformation silencieuse dont on se rend pas compte et qui ne favorise aucun lien social convivial, et que la coopération n'étant pas enseignée, elle n'est pas valorisée socialement. Donc, ce qui est valorisé, c'est vraiment la force. Moi, j'ai vécu ça récemment. De manière très violente, enfin assez violente après coup, parce que je m'occupe là où j'habite maintenant, il y a un quartier où il y a une école primaire, hein, donc des gamins depuis le CP jusqu'au CM, enfin CM2, et je me suis dit tiens, je vais me proposer pour leur faire des jeux quand ils sont sortis de l'école, et puisqu'il y a un temps de enfin, les enfants restent parce que les parents peuvent pas les prendre à 5h, donc ils restent jusqu'à 6h30, 7h. Et là, il y a un temps de, soit ils font leurs devoirs, mais ils vont pas partir complètement. Donc, on les occupe, il y a des animateurs, etc. Donc, je me suis dit, tiens, je vais leur proposer des jeux de société, comme ça. Et, j'avais l'idée de leur proposer des jeux coopératifs, en me disant, c'était pas totalement innocent. Je me disais, bon, ouais. Ils sont pas entraînés à être coopératifs parce qu'il faut toujours qu'ils aient des bonnes notes et tout ça. Donc, et je me suis un peu ramassé parce que j'aurais proposé des jeux coopératifs, mais ça accrochait pas du tout. Pourtant, je sais pas si vous connaissez ces jeux. On est tous ensemble et puis il faut qu'on réussisse à faire un super feu d'artifice ensemble. Et chacun a des cartes, mais on les voit pas, donc il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui vous dise quel que vous avez comme carte pour réussir à faire le feu d'artifice. Eh bien, c'était pas du tout les gamins, ils comprenaient pas très bien, ils savaient pas pourquoi. Alors, du coup, je suis passé à un jeu beaucoup plus compétitif, en disant, il y a un gars qui va gagner, puis les autres vont faire. Alors là, les gars, c'était parti, quoi. Ils étaient à l'aise, tu vois, Le jeu compétitif, il dit, c'est pas ça. Je comprends. Je me suis dit, ça c'est un signe quand même, pas évident, hein, de la coopération, elle est pas tellement valorisée, pas tellement dans les mœurs, quoi, aussi. Voilà. Alors, Bon, ben voilà, les trois. Alors, ces trois défis-là, moi, il me semble que, elles nous poussent, les défis et paradoxes, elles nous poussent à aller beaucoup plus loin dans la réflexion sur qu'est-ce qui est en cause dans cette crise écologique. Eh bien, on voit que, moi, il me semble, enfin, c'est pas évident, mais je sais pas si évident pour tout le monde, que ça touche au fondement de l'être humain. Qu'est-ce que c'est que l'être humain? Hein? Et puis, qu'est-ce que c'est que la civilisation? Qu'est-ce que c'est que la civilisation qu'on a établie en ce moment? Enfin, celle qu'on est. C'est là au fond que se jouent les facteurs de la crise. Alors par exemple sur l'identité de l'être humain, est-ce que c'est l'être le plus avancé de l'évolution ou est-ce que c'est un être qui se trompe sur sa représentation du monde? Hein, il y a vraiment les deux. Par rapport à son rapport au monde, est-ce que il doit être le maître du monde ou est-ce que c'est un être inachevé qui doit essayer de se perfectionner, enfin d'avancer? Bon, alors sur le rapport aux autres êtres humains, c'est est-ce que c'est un individu indépendant ou bien engagé dans un collectif, ce qui doit être convivial ou bien doit être compétitif? C'est ces questions-là qui sont posées. Puis la question aussi du rapport à la connaissance et à la conscience, est-ce qu'on est maître par la raison et par la technologie, est-ce qu'on est maître de l'évolution du monde, de notre évolution propre, ou est-ce que il faut quand même se mettre à l'apprentissage du réel pour dans l'engagement et dans l'action pour comprendre ce que c'est que le monde et comment il fonctionne, et qu'il suffit pas d'avoir de dire on est raisonnable et on est capable de faire de la technologie, donc on avance. Et puis l'action dans le monde aussi, est-ce qu'il faut s'approprier le monde, est-ce qu'il faut le partager? Et si on veut s'approprier, comment il faut réaliser cette appropriation? Et si on veut le partager, comment est-ce qu'on le partage? Tout ça, c'est des questions. Et c'est à ce niveau-là que finalement, il faut être à ce niveau-là pour essayer de bien être en phase avec ce qui se joue dans cette crise de notre possède. Donc, voilà. Bon. Alors, à partir de ce moment-là, quand on a assez, après, je ne sais pas si ça va pour l'instant, vous voyez comment j'avance. À partir de ça, à partir du moment où on se dit, voilà, c'est ça l'enjeu qui se joue autour de la crise écologique, l'anthropocène, on peut se dire, qu'est-ce qu'on peut faire et comment on va faire, quoi. Bon, ça c'est la bonne question de la recherche à quoi. Alors, un des aspects des paradoxes que j'ai soulevé, c'est que si on veut aller dans la réponse, en pensant que les facteurs sont au niveau de l'être humain, ce sont des réponses à long terme, et la crise, elle est là tout de suite, elle a des problèmes immédiats qu'il faut résoudre immédiatement. Donc on est pris dans un paradoxe, dans un dilemme, là. On se dit, quoi? Et puis c'est le fameux truc, quoi. Est-ce qu'il faut choisir entre la fin du monde et la fin du mois? Enfin, ou la fin du mois et la fin du monde. C'est ça, le dilemme. Donc, y a un problème, là, et je crois que c'est le fait qu'on est pris dans des paradoxes comme ça, et successivement, à chaque fois qu'on fait quelque chose, ça a des aspects positifs, des aspects négatifs, et puis on se demande, est-ce qu'on a vraiment raison de le faire, est-ce qu'on a pas... Ça paralyse l'action aussi, je pense, d'une certaine manière. Donc, on voit pas clairement. Alors, ce qu'il faut vraiment faire, c'est essayer de dépasser les paradoxes. Donc, en fait, moi, je dirais, il faut répondre à la fin du monde et à la fin du mois. Et c'est possible de répondre à la fois à la fin du monde et à la fin du mois. Comment est-ce que c'est possible? Il faut dépasser le paradoxe, c'est-à-dire, pour la fin du mois, il faut s'adapter pour survivre. Enfin, essayer de s'adapter, de survivre d'une certaine façon. Et pour la fin du monde, mais il faut se transformer en même temps pour s'adapter. D'ailleurs, de toute façon, on se transforme. Et on se transforme pour changer le monde et éviter la fin du monde. Donc, je pense qu'on n'y a pas... Enfin, il faut dépasser le paradoxe, de dire, c'est pas forcément... C'est un paradoxe logique, mais c'est pas forcément un paradoxe réel. On peut, si on fait ça, enfin, on peut trouver des solutions, des pratiques pour s'adapter, pour survivre, et puis en même temps qu'on s'adapte pour survivre, on essaye de transformer le monde dans cette adaptation, de manière à ce qu'on évite que ça, que la crise se développe beaucoup plus. Bon, alors, évidemment, il y a un prix à payer, hein, c'est-à-dire que bon, parti comme on est parti, maintenant en 2023, je veux dire, bon, on est quand même dans un monde où il y a la sécheresse, il y a plus d'eau, il y a des feux de forêt, enfin surtout chez là où je suis moi, dans le sud de la France, c'est vraiment il y a tout à la fois quoi. Et puis mais n'empêche que alors c'est possible, c'est ça qu'il faut faire d'une certaine manière. Alors bon, comment est-ce que la recherche action peut nous aider, je dirais dans cette approche, hein, voilà. Alors je vais faire un historique très rapide de la recherche, un retour en histoire de la recherche action. La recherche action, elle était partie, je veux dire quand on était jeune, elle était partie quand même avec cette idée qu'on allait transformer le monde. Et donc à l'époque on voulait introduire la démocratie, ce qu'on appelait la démocratie industrielle, une démocratie dans le développement industriel, c'est-à-dire dans les entreprises, pour combattre le taylorisme qui nous paraissait l'horreur, l'enfer. Les OS qui travaillaient avec des cycles de répétition de moins de 30 secondes, qui étaient complètement abrutis à la fin de la journée parce qu'ils faisaient ça pendant 8 heures, etc., etc. Bon. Donc, c'était ça. Et alors, pendant la période 1945-1960, la recherche action a fait des expérimentations. Alors, je passe très vite, hein, mais si vous avez des questions, vous m'arrêtez, vous me demandez. Et elle a montré, à travers notamment un texte très célèbre, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est Transformation dans les mines anglaises, qu'il fallait pour changer le social, il faut changer donc les relations et les interactions entre les individus. Mais il faut faire attention à ce que le fait que les individus ne forment pas seulement des systèmes sociaux qui sont inféodés à des systèmes techniques, mais qu'ils forment des systèmes socio-techniques qu'il faut optimiser conjointement. C'est-à-dire pour transformer la société, il faut penser à optimiser les systèmes socio-techniques, optimiser la technologie en fonction de l'organisation sociale et l'organisation sociale en fonction de la technologie. Et c'est cette recherche-là qu'il faut faire. Bon, on a quand même mis 15 ans à établir ça, le Tavistock a établi ça, donc c'était une première étape. Vous pouvez répéter donc, ça. Donc il faut, s'il vous plaît, pour transformer le social, il faut transformer les relations et les interactions entre les individus, mais ça implique de transformer non seulement le système social, mais aussi le système technique, de façon à ce que le système social et le système technique soient harmonieusement, on appelle ça une optimisation conjointe, mais soient en harmonie, quoi. Que la technique soit au service du social. Voilà, un peu. Mais réciproquement aussi, et que le social permette quand même le développement technologique. Ouais. Il s'agit pas de dire on revient, comme dit Macron, aux Amish ou à la bougie ou à la navigation à voile, quoi. Hein. C'est le truc classique des imbéciles qui n'ont rien compris à la situation. Bon, alors ça a pris. Bon, on a établi ça d'abord, premier truc qu'on a établi. Donc ça, c'est très important. Ensuite, de 60 à peu près, bon, évidemment, les dates, c'est à revoir, mais entre 60 et 70. Donc, on s'est aperçu qu'à travers ce changement socio-technique, les individus, donc, apprennent, quand ils prennent en charge, hein, parce que ça s'est fait de manière participative, hein, quand ils s'apprennent mutuellement à changer, et les collectifs qui construisent, qui se forment, hein, quand ils ont cet apprentissage mutuel, et construisent des microcultures, donc nouvelles, qui sont pas les anciennes, et notamment, par exemple, comme dans les équipes semi-autonomes, hein, et que ces équipes-là aussi c'est une première étape dans la construction d'une démocratie industrielle. C'est-à-dire qu'il y a un début de prise de conscience de la situation de travail, de la d'engagement dans la situation de travail pour la transformer, et de responsabilité pour dire on veut faire ça et on n'est pas totalement des jetres passifs. Donc ça a été la deuxième période qui me paraît intéressante. Puis alors, il y a eu une troisième période ensuite, entre 75 et 85. Les équipes se sont un peu coordonnées, donc à travers, notamment à travers l'expérience norvégienne. Elles ont formé des communautés d'apprentissage et de responsabilité, c'est ce que je disais avant, plus démocratiques, donc et on s'est aperçu que ces communautés-là assuraient mieux à la fin du mois et la qualité de vie au travail, dans ces usines qui commençaient à se former à travers les équipes semi-autonomes, que dans les usines restées tayloriennes. Donc, en fait, il y a eu, à cette période-là, donc, jusqu'en 85, un espèce de mouvement un peu mondial, il y avait un conseil mondial pour la qualité de la vie au travail, je crois, qui existait à Toronto, il y avait des trucs, il y avait des reports, il y avait des expériences en Norvège, il y avait des expériences en Europe, ça se développait un peu, ça dépendait évidemment des pays, etc., et des cultures nationales, et puis il y avait quand même, en Australie aussi ça se développait beaucoup, il y a eu tout un développement, et au Canada aussi, au Canada, en Australie, il y a eu des développements intéressants. Voilà. Donc, je dirais, ça a été un peu le sommet. C'était encore très très fragile, hein, parce que dans les années 90, eh bien, disons que bon, la fin du monde avait été annoncée par des précurseurs, mais elle n'était pas encore prise en charge. Hein. Enfin, elle n'était pas crédible encore. Hein. Et du coup, il y a eu cette fameuse révolution néolibérale qui a été quand même acté par le fait que c'est la finance qui a mis la main sur le monde industriel. Donc la finance s'est construite une puissance, là, parce qu'elle était capable de... je ne sais pas si à l'époque, si vous voulez, c'était les financiers achetaient les entreprises, les découpaient en petits morceaux, les revendaient, etc. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette période-là. Hein. C'était les Américains, surtout, beaucoup les Américains. Correspond à l'ère Thatcher, à l'ère Reagan, ouais, tout ça. Donc le néolibéralisme triomphant. Alors concrétisé ensuite par la fin de l'histoire prophétisée par un espèce de gars, je sais plus, Fukuyama, je sais pas, comme ça, qui a dit ah c'est la fin de l'histoire, on a la démocratie libérale a gagné, le communisme est écrasé, etc. Donc il y a plus rien, donc on est rentré dans un monde qui promettait la réalisation, un monde de la consommation, et puis des biens pas chers, des équipements de confort, des loisirs à tout le monde, etc. Donc on est parti dans un monde comme ça. Et la recherche-action s'est un peu, je dirais, cassé la figure à travers ce truc. Il y a eu un truc, il y a eu, disons, une grosse... Alors, ça correspondait aussi à un changement de génération. C'était quand même un mouvement très très puissant. Je veux dire, cette truc financière, ça a été vraiment le, et puis ça continue jusqu'à maintenant. Hein. C'est-à-dire que c'est encore la finance qui dirige le monde. Hein. Les banques, la finance. Parce que dans le temps, là, dans les années 60 jusqu'à 80, c'était quand même l'industrie. Les industriels, ça représentait quelque chose, quoi, tu veux, la politique française était, le CNPF, à l'époque, c'était le CNPF, ça pesait, quoi, c'était, hein, quand il disait quelque chose, le gouvernement suivait. Alors qu'après, ça a été les banques qui ont décidé. Bon. Voilà, alors, ce que je pense, c'est que, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour essayer de remonter ce truc? Je pense que ce qu'il faut regarder, c'est avoir des réponses qui se situent, alors moi, je dirais, dans un premier temps, donc vraiment au niveau de l'éducation. Alors, donc, c'est pareil, hein, je me situe dans le fait d'essayer d'aller contre la fin du monde, hein. C'est-à-dire que, mais je pense que si on veut vraiment avoir des solutions qui sont, justes, parce que la difficulté, je pense que c'est un peu la recherche-action aussi, les mouvements de changement comme ça, parfois ils se trompent enfin, où ils vont pas au fond des choses, donc ils donnent des solutions qui sont pas totalement justes. Donc c'est fait que les il y a des déviations en cours de route et que les solutions apparaissent boiteuses, etc. Ou alors ne réussissent pas suffisamment ou n'entraînent plus la motivation, l'émergence des gens, l'énergie, suscitent plus d'énergie. Et donc, c'est un peu ce qui s'est passé probablement pour la recherche-action qui était, qui s'est un peu, comment dirais-je, à partir du moment où elle a pris une dimension un peu mondiale comme ça, la qualité de la vie au travail, c'est un peu affadi et c'était bon. Donc je crois qu'il faut il faut revenir aux fondamentaux. C'est pour ça que j'ai fait cette analyse donc à travers les défis et les paradoxes. Donc je pense que ce qui est très important, c'est que on soit capable de l'éducation soit capable de proposer à chacun bon et puis de construire une identité forte qui est émancipée, donc qui n'est pas prisonnière des représentations et des normes existantes et qui est capable de les critiquer, capable de prendre conscience de ce que c'est que la situation. Alors Paulo Freire, il a une expression qui est intéressante et c'est il parle de la situation existentielle, hein, c'est-à-dire pas la situation comme ça mais la situation qui engage l'existence donc des gens qui vivent cette situation. Donc prendre conscience de cette situation existentielle et puis s'engager pour la changer, pour faire en sorte que on aille vers ce qu'on a envie que la situation soit. Alors ça, évidemment, c'est un truc de longue haleine, hein, c'est-à-dire que bon, il faudrait transformer l'éducation complètement de fond en comble. Donc, alors ce que j'ai un peu réfléchi, je me suis dit comment est-ce que ça se change une éducation, hein, là. Je me suis dit, ça se change dans combien de temps? Alors, certainement pas en un an, ni en un mois, ni en un an. Même en une décennie, ça se change pas, parce que si on prend l'éducation nationale telle qu'elle a été apparue en éducation républicaine en 1905, on est encore sur ces mêmes bases-là, on est en 2000, on est en 2025, on est à peu près, enfin, ça continue, quoi, quand même. Ça a changé quand même un peu, mais enfin, pas fondamentalement, quoi. Hein, on est resté sur l'idée. Donc, l'idée n'était pas mauvaise, par exemple, du mérite, comment on appelle ça, social, hein, le mérite démocratique, c'est ça. C'est une bonne idée, mais elle est pas complètement fondée, quoi. Elle peut donner naissance à des déviations, et elle a donné naissance à des déviations. C'est-à-dire que, à travers l'idée de mérite démocratique, en disant, bah, c'est bien, on va essayer de pousser les classes sociales à être bon. On a trop insisté sur la compétition et pas assez sur la coopération. Donc ça a été la pente naturelle qu'a pris après. Donc là, il faudrait insister vraiment sur une éducation qui forme des personnalités émancipées et qui forme aussi des personnalités capables de coopérer et de s'engager collectivement dans un changement du monde. Alors ça, c'est une première réponse. Alors cette réponse-là, ça c'était un peu au niveau individuel, je pense, au niveau de l'individu. Donc il faut ça, c'est un sacré chantier. Mmh. Et à mon avis, c'est une question non pas de décennies, mais une question de siècles. C'est-à-dire que ça c'est déjà engagé. Hein, ça a été engagé avec l'école nouvelle, hein, déjà un peu. Je sais pas si vous voyez Freiné. De Crowley, comment elle s'appelle, l'italienne, Montessori, enfin, etc. Mmh. Ça a été un peu engagé, ça a été récitant, etc. Ça... Donc il y a des choses qui sont engagées, mais il faudrait quand même que ça commence à ça devienne quoi, vraiment la norme, quoi. Deuxièmement, il faut accompagner ça en créant des communautés d'apprentissage dans la vie courante, donc dans les entreprises, dans les quartiers, dans des collectifs qui se réuniraient, je sais pas trop, tout ce qu'il y a, qui essaierait de dépasser les paradoxes donc qui paralysent l'action là par le développement d'une intelligence un peu collective, c'est-à-dire que plusieurs personnes peuvent se mettre ensemble et commencer à examiner. Et je crois que ça, c'est très important, donc de passer par le dialogue et de d'essayer de à travers tout tout collectif donc de dégager une capacité cette, je pense que dans, dans tout collectif il y a une capacité alors c'est pas forcément automatique mais s'il y a une bonne animation il y a une capacité de développer une intelligence collective qui permet de comment dirais-je qui permet de d'innover quoi permet d'aller vers des trucs nouvelles. Il y a des perspectives nouvelles qui apparaissent parce que en fait comme on pense différemment donc en fait le choc des pensées c'est pour ça qu'il faut aller au fond des je crois qu'il faut que chacun s'exprime vraiment au fond de ce qu'il a envie de faire et le et puis bon une fois qu'on que chacun s'est exprimé en disant voilà vraiment ce que j'ai envie de faire eh bien après évidemment c'est contradictoire il y a des contradictions il y a des il y a peut-être des complémentarités des contradictions il y a des difficultés etc. Mais si on s'attelle à dire bon ben voilà on a trouvé là tout ça il y a tout ça qu'on veut faire tous les points positifs qu'on veut faire et puis on va essayer de faire d'y aller quoi de le faire et on va laisser, pas laisser tomber des trucs on va tout essayer de tout reprendre quoi, parce que c'est quand même important quand quelqu'un a dit moi je crois qu'il faut faire ça c'est important quoi c'est il l'a dit il le pense c'est important de le reprendre donc si on essaye vraiment de tout faire ça de tout prendre comme ça eh bien on y arrive. Hein, alors ça prend du temps, etc. Mais c'est un truc. Donc, mais c'est à travers un dialogue dans lequel on s'écoute, on se respecte, et puis on ne dit pas oh ben tel il est bon ses idées farfelues tout ça. On essaye de prendre en charge, enfin, de respecter les idées de chacun. Alors, moi, il y a un autre truc qui me paraît important là-dessus, c'est que cette intelligence collective, à mon avis, c'est la seule réponse. En tout cas, c'est une des pistes de réponse. Je sais pas parce que pour la seule, je peux pas dire, mais. À l'espèce de développement de l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle, en ce moment, elle est en train, enfin, il y a quand même un problème, hein. C'est-à-dire que bon, avec le, je sais plus comment ça s'appelle, ChatGPT, je sais pas quoi. Donc, qui est capable de faire un discours à la Macron, tu vois. Pour reprendre la position de Sophie Binet, la nouvelle secrétaire de la CGT. C'est une intelligence qui risque de nous complètement de nous d'asservir l'humanité parce que c'est tellement pratique. Hein. Mm. Alors moi je vois déjà, enfin je vois déjà que par exemple pour je sais pas pour prendre une décision, décision stupide, enfin bête, mais bon, je sais pas moi choisir un restaurant, choisir un hôtel, tu vois. Qu'est-ce qu'on fait? On va sur internet, on regarde, je sais plus comment ça s'appelle, Trivago, je sais pas quoi, un truc comme ça, puis on regarde le nombre de le nombre de de des types étoiles. Qui ont dit, ah, bah, cet hôtel-là est bon, il y en a 4, il est coté 4,8 sur 5, ou bien 9 sur 10. Ah, bah, on dira, bah, on choisit celui-là, donc, voilà. Alors, mais on réfléchit pas plus loin, c'est-à-dire que peut-être que ce que nous, enfin, ce que moi, je considère comme un bon hôtel, c'est pas forcément ce que la majorité considère comme un bon hôtel. Alors, moi, j'ai peut-être envie d'avoir de la verdure, des trucs comme ça, dans l'hôtel, ou bien de pas être embêté, je sais pas trop quoi, enfin bon, par telle et telle chose. Et les gens qui ont, enfin le fait qu'il ait été coté 9 sur 10, bon, peut-être ça répond à un certain nombre de critères, mais c'est peut-être pas forcément le mien. Et donc, mais c'est tellement facile qu'on le fait, et puis bon, c'est confortable, c'est facile, ça nous évite de nous casser les, enfin de faire des recherches, des trucs comme ça, d'essayer de comprendre plus loin qu'est-ce qui se passe, etc. Mais c'est... Ça donne, je pense que ça peut donner des solutions sous-optimales, enfin c'est-à-dire qui sont pas forcément les bonnes, et qui finalement ne permettent plus de, je pense que permettent plus cette espèce de d'innovation, enfin cette émancipation, cette fait de dire moi j'ai envie de ça, et puis c'est ce que mon désir il est celui-là, puis c'est celui-là que je veux suivre. Puis c'est ça mon idéal, moi c'est l'idéal, c'est que c'est je veux suivre mon idéal, je veux réaliser mon idéal. Oui, à propos, tiens, je vous signale quelque chose, parce que chaque fois que je parle d'idéal, j'y pense, c'est que l'approche sociotechnique définit l'homme comme le seul être capable de suivre un idéal qui ne sera jamais atteint. C'est la seule machine, le seul système au monde qui est capable de suivre un idéal qu'il ne pourra jamais atteindre, dont il sait d'ailleurs qu'il ne pourra jamais atteindre. L'homme. Parce que bon, il poursuit la beauté, bon, qu'est-ce que c'est que la beauté? Il poursuit un idéal de bien, qu'est-ce que c'est que le bien? Qu'il atteindra le bien absolu, la vérité, qu'est-ce que c'est que la vérité? Est-ce qu'on arrête? On n'y arrivera jamais. Mais n'empêche que ça nous motive. Hein, donc, alors l'intelligence artificielle, elle n'est pas capable de faire ça. Enfin, donc cette intelligence collective permettrait d'adopter une façon de penser qui ne sépare pas la réflexion critique de l'action instrumentale. C'est-à-dire, il faut aussi réconcilier cette idée de... Et c'est un peu ça le cœur de la recherche action et puis de l'intelligence collective, c'est de réconcilier le fait de l'idéal, enfin de ce qu'on veut, donc de l'éthique, de l'idéal, et puis l'efficacité, l'action, hein, pour y arriver, quoi. Hein, c'est ça qu'il faut faire. Bon, puis un troisième niveau, ce qu'il faudrait faire, c'est développer des modes de transformation. Et ça, la recherche action a un peu buté là-dessus, et c'est pour ça que finalement elle s'est cassée la figure. C'est qu'il faudrait transformer les institutions, parce que finalement, pour qu'elles ne soient pas simplement des institutions qui sont là pour contrôler le social et maintenir un ordre plus ou moins établi, bon par la tradition. Je dis pas que l'ordre est forcément mauvais, hein, mais disons, mais qui risque d'être dépassé. Parce que ça vient de ça, c'est un ordre qui a été institué à un moment donné de l'histoire qui correspondait bien à ce qu'il fallait à ce moment-là, mais qui maintenant la situation ayant évolué, et ça ne correspond plus. Donc il faudrait que les institutions deviennent des organisations capables d'accompagner cette évolution sociale, quoi. Donc qu'elles soient plutôt instituantes, donc comme on parle de constituantes, que instituées. C'est-à-dire que simplement qu'elles sont là, instituées, puis qu'elles maintiennent l'ordre, enfin, ou les lois établies, enfin, se fassent respecter l'ordre, tout ça. Donc, ce mode de transformation, il y a eu une partie de la recherche-action qui s'est intéressée à ça dès le départ, et c'était en France, et c'est ce qu'on a appelé l'analyse institutionnelle, hein, et qui est partie, enfin, qui n'a pas très bien réussi, qui a bien développé des idées intéressantes, mais qui n'a pas très bien réussi. Et c'est dommage, parce que je pense que ça a été un des points qui fait que, finalement, la recherche-action n'a pas pu déboucher sur un truc institué, quoi.